Violence. Rap des cojones, violence et insolence, négro. Voilà, voilà, tu connais pas ma tête, mais tu connais ma tête. J'ai mes classes dans la rue sans permis, dans les entrailles d'un monde sans vernis. Poussé par le manque de tout, enfermé dans le trou, sans flouze, dans le flou, dans le ghetto mon crew, la zermie. Sous ma capuche dissimulée, sans plus on lutte, anticipant la fin qui nous est destinée, la chute. Rate brutale jusqu'à ce que la victoire nous sourit. Comme les trois quarts de mes soldats sont dark, sont die ou sont irie. Violence, on fait les bails armés comme des putains de giants en place. Pas en casse puis pour le cash, placé hardcore dans le trash. Éléments condamnés au naufrage, bosse des MA5, conscient de la portée de nos phrases. De mes couplets tournent, tournent en rond comme des putains de bootleg. Fuck les doutes et les ennemis putelets. Shoot-les, nique-les, bute-les tous. En flagrant délit mec rap pour violence, violence. Parce que les lois nous écrasent, c'est violent, violent. Dangereux comme une tasse P.O. au volant. Je m'évade à l'aide de la zig. Les mots qui visent la tête de l'indique, représentant les frères de l'Afrique. Y'a que l'argent pour me donner la trique. De la capitale sur le côté magique, ça finira salement, mal et tragique. On a le mental attiré par le métal doré, donc on se découpe en deux comme la Corée. J'ai dans la tête l'histoire de Corée, tous ces j'peps qui ont collaboré. C'est violence, violence, violence. C'est le concept de l'album qu'on a élaboré, négro. C'est le son des ghetto youth sous les ongles, avec du sang sous les ongles, toujours en the cri sans raison. Ouais gros. Violence, violence, violence, violence, violence, violence. Rap des cojones, violence et insolence, négro. Voilà B, voilà B. Tu connais pas ma tête, mais tu connais ma tête sans tipi. Hardcore dans mes récits, j'emmerde la PAC et l'équipe. Wesh les gros, c'est la merde, les petits ont la valeur d'un gramme d'héros dans la tête. Où est passé la relève, je n'entends que du rap pour les j'peux. Putain de merde, c'est la guerre, arrêtez le faux codeur. Bande de PD, rap sale pour les bâtards. Violence, que tu croiseras en garde. Violence, violence, violence. Rap Zaro, noir, pape, tout genre du voyage. J'fais mon business Nique sa mère le show business. J'verrai à la rue la mort et la tristesse. Et la violence sous toutes ses facettes. J'irai au bout de mes convictions, négro, rien à te refoutre de leur challenge. Lance la peu pendant la soupe, détonateur entre les phalanges. On est des immigrés quand on perd, et des séfrants quand ça les arrange. J'ai fait mes classes malgré les carences, jugé coupable de par mon apparence. Violence, violentissime, criminel, homicide. J'envoie des punchlines dans leur mer, comme on envoie des missiles. J'ai pas de capitaine ni de parrain, frère, j'suis pas un disciple. On va les fumer un par un, que le cancer nous décide. Violence, violence, violence, violence. Déterminé, prêt à démonter le monde sans pitié. Essayez même pas de rater l'amitié, c'est celle. J'ai mon équipe de charognards fouffés. Mon clan est pillé, de la tête au pied. À la démarche grillée, sous de sales sentiers oubliés. Entre quatre murs, quatre planches de bois ou de billets. Violence. Entre quatre murs, quatre planches de bois ou de billets. Violence. Entre quatre murs, quatre planches de bois ou de billets. Rap ça, négro sous les bastos, fuyez. Le game, je veux le plier. On est tous prisonniers dans l'impasse. Tu connais les bails, c'est tendu. Ah la putain de sa mère, il pleut des cordes dans ma tête. Donc évidemment que l'amour s'y est pendu. Rap sale, inarrêtable. Le rap c'est franc, n'est qu'une salope de vendu. Prêt à s'essuyer pour un planète rap, entendu. Font des desserts avec le fluide défendu. Ah merde. C'est le son des ghetto youth sous les ongles, avec du sang sous les ongles. Toujours en the cri sans raison. On fait le taf dans le ghetto pour les reflets dans les zones. Fais les choses bien dans la zone dure, nickel. Faut esquiver la crevaison. Ouais gros. Violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence. Rap des cojones, violence et insolence, négro. Bois la paix, bois la paix, bois la paix, bois la paix. Tu connais pas ma tête, mais tu connais ma tête. Violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence. Rap des cojones, violence et insolence, négro. Voilà B, voilà B, voilà B, voilà B. Tu connais pas ma tête, mais tu connais ma tête. Le Val-de-Marne gravé en or sur ma plaque name. Violence. Le Val-de-Marne gravé en or sur ma plaque name. Violence. Cap Soyenne gravé en or sur ma plaque name. Tu connais pas ma tête, mais tu connais ma tête. No. no face à la prod. Violence, violentissime. Violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence, violence.